Souffrez que je vous charge de ce soin et acquittez-vous-en droitement dès que vous le verrez. Avec plaisir, madame, car j'aime à faire de bonnes actions. À la charge que, quand vous aurez épousé cet honnête homme-là, il y aura dans votre histoire un petit article que je dresserai moi-même et qui dira précisément « Ce fut la sage Hortense qui procura cette bonne fortune au peuple. La princesse craignait de n'avoir pas bonne grâce en épousant Lélio. » Hortense lui leva ce vain scrupule qui eut peut-être privé la République de cette longue suite de bons princes qui ressemblèrent à leur père. Voilà ce qu'il faudra mettre pour la gloire de mes descendants, qui, par ce moyen, ont en moi une aïeule d'heureuse mémoire. Quelle folle gaieté! Mais, ma chère Hortense, vous parlez de vos descendants. Vous n'avez été qu'un an avec votre mari. Et il ne vous a pas laissé d'enfant. Et tout jeune que vous êtes, vous ne voulez pas vous marier. Où prendrez-vous votre postérité? Cela est vrai, je n'y songeais pas. Et voilà tout à coup ma postérité anéantie. Mais trouvez-moi quelqu'un qui ait à peu près le mérite de Lélio. Et le goût du mariage me reviendra peut-être. Car je l'ai tout à fait perdu. Et je n'ai pas tort. Avant que le comte Rodrigue m'épousât, il n'y avait amour ancien ni moderne qui pût figurer auprès du sien. S'il en avait partagé sa passion entre 1 million de cœurs, la part de chacun d'eux eût été fort raisonnable. J'étais enchantée. Je ne craignais qu'une chose, c'est qu'il ne mourût de tant d'amour avant que d'arriver au jour de notre union. Quand nous fûmes mariés, j'eus peur qu'il n'expirât de joie. Hélas, madame, il ne mourut ni avant ni après. Il soutint fort bien la joie. Le premier mois, elle fut violente. Le second, elle devint plus calme, à l'aide d'une de mes femmes qu'il trouva jolie. Le troisième, elle baissa à vue d'œil. Et le quatrième, il n'y en avait plus. Oh, c'était un triste personnage après cela que le mien. J'avoue que cela est affligeant. Affligeant, madame, affligeant. Imaginez-vous ce que c'est que d'être humilié, rebuté, abandonné. Et vous aurez quelques légères idées de tout ce qui compose la douleur d'une jeune femme alors. Si je me rembarquais, j'ai du malheur, je ferai encore naufrage, à moins que de trouver un autre Lélio. Vous ne tiendrez pas votre colère. Et je chercherai de quoi vous réconcilier avec les hommes. Non, cela est inutile. Je ne sache qu'un homme dans le monde qui peut me convertir là-dessus. Homme que je ne connais point, que je n'ai jamais vu que 2 jours. Alors que j'étais en danger, il me sauva la vie. Il me parut le plus aimable, le plus galant homme que j'ai encore vu. Oh, si je n'avais pas été mariée, je ne sais ce que mon cœur serait devenu. Je ne sais trop même ce qu'il devint alors. Mon mari mourut 2 mois après, et je ne sais par quelle fatalité, l'homme que j'ai vu m'est toujours resté dans l'esprit. Mais qui est-ce qui vient à nous? C'est un homme à Lélio. Il me vient une idée pour vous. Ne saurait-il pas qui est son maître? Il n'y a pas d'apparence, car Lélio perdit ses gens à la dernière bataille et il n'a que de nouveaux domestiques. N'importe, faisons-lui toujours quelques questions. Que cherches-tu, Arlequin? Ton maître est-il dans le palais? Madame, je supplie votre principauté de pardonner l'impertinence de mon étourderie. Si j'avais su que votre présence eût été ici, je n'aurais pas été assez nigaud pour y venir apporter ma personne. Tu n'as point fait de mal, mais dis-moi, cherches-tu ton maître? Tout juste, vous l'avez deviné, madame. Depuis qu'il vous a parlé tantôt, je l'ai perdu de vue dans cette peste de maison. Et ne vous déplaise, je me suis aussi perdu moi. Si vous vouliez m'enseigner mon chemin, vous me feriez plaisir. Il y a là un si grand tas de chambres que j'y voyage depuis 1 heure sans en trouver le bout. Oh, par la mardi, si vous louez tout cela, cela doit vous rapporter bien de l'argent pourtant. Oh, que de fatras, de meubles, de drôleries, de colifichets. Oh, tout un village vivrait un an de ce que cela vaut. Depuis 6 mois que nous sommes ici, je n'avais point encore vu cela. Cela est si beau, si beau qu'on n'ose pas le regarder. Oh, cela fait peur à un pauvre homme comme moi. Oh, que vous êtes riches, vous autres princes. Et moi, que suis-je en comparaison de cela? Mais n'est-ce pas une autre impertinence que je fais de raisonner avec vous comme avec ma paresse? Oh, voilà votre camarade Thierry, ça y est, j'aurais encore dit quelques sottises. Adieu, madame. Je salue votre grandeur. Arrête, arrête. Tu n'as point dit de sottises, au contraire, tu me parais de bonne humeur. Pardi, j'aurai toujours. Que voulez-vous, je n'ai rien à perdre. Vous vous amusez à être riche, vous autres. Et moi, je m'amuse à être gaillard. Il faut bien que chacun ait son amusette en ce monde. Ta condition est-elle bonne? Es-tu bien avec Lélio? Fort bien. Nous vivons ensemble et de bonne amitié. Je n'aime pas le bruit, et lui non plus. Je suis drôle, cela l'amuse. Il me paie bien, me nourrit bien. m'habille bien honnêtement et de belle étoffe, comme vous voyez. Me laisse par-ci par-là quelques petits profits, sans ceux qu'il veut bien que je prenne et qu'il ne sait pas. Et comme cela, je passe tout bellement ma vie. Est-ce que vous savez une meilleure condition pour moi, madame? Non, je n'en sache point de meilleure que celle de ton maître. Car on dit qu'il est grand seigneur. Oh, il a l'air d'un garçon de famille. Tu me réponds comme si tu ne savais pas qui il est. Ah non, je n'en sais rien, de pure vérité. Non, je l'ai rencontré comme il sortait d'une bataille. Je lui fis un petit plaisir, il me dit grand merci. Il disait que tout son monde avait été tué, je lui dis tant pis. Il me dit, tu me plais, veux-tu venir avec moi? Je lui dis, top, je le veux bien. Ce qui fut dit fut fait, il prit encore l'autre monde. Et puis le voilà qui part pour venir ici. Et puis moi, je pars de même. Et nous voilà en voyage, courant la poste. Oh, qui est le train du diable? Car parlant par respect, j'ai été près d'un mois sans pouvoir m'asseoir. Oh, les mauvaises mazettes! Tu es un historien bien exact. Oh, quand je compte quelque chose, je n'oublie rien. Bref, tant il y a que nous arrivâmes ici, mon maître et moi. La grandeur de madame l'a trouvé brave homme, elle l'a favorisé de ses faveurs, car on l'appelle favori. Oh, il n'en est pas plus impertinent qu'il ne l'était pour cela, ni moi non plus. Il est courtisé, et moi aussi, car tout le monde ici me respecte. Tout le monde est en peine de ma santé, et me demande mon amitié. Oh, moi, je la donne à tout hasard, cela ne me coûte rien. Ils en feront ce qu'ils pourront, ou ils n'en feront pas grand-chose. Oh, c'est un drôle de métier que d'avoir un maître ici qui a fait fortune. Tous les courtisans veulent être les serviteurs de son valet. Nous n'en apprendrons rien, allons-nous-en. Adieu, Harlequin. Oh, madame. Oh, sans compliment, je ne suis pas digne d'avoir cet adieu-là. Oh, cette princesse est une bonne femme. Elle n'a pas voulu me tourner le dos sans me faire une civilité. Oh, bon, voilà mon maître. Qu'est-ce que tu fais ici? J'y fais connaissance avec la princesse et j'y reçois ses compliments. Que veux-tu dire avec ta connaissance et tes compliments? Est-ce que tu l'as vue, la princesse, ou est-elle? Nous venons de nous quitter. Bah, explique-moi donc, que t'a-t-elle dit? Oh, bien des choses. Elle m'a demandé si nous nous trouvons bien ensemble. Comment s'appelaient votre père et votre mère? De quel métier ils étaient? S'ils vivaient de leur rente ou bien de celle d'autrui? Moi, je lui ai répondu que le diable emporte celui qui les connaît. Je ne sais quelle mine ils ont, s'ils sont nobles ou vilains, gentilshommes ou laboureurs. Mais j'ai ajouté que vous aviez l'air d'un enfant d'honnête gens. Alors ensuite, elle m'a dit... Je vous salue. Et moi, je lui ai répondu... Vous me faites trop de grâce. Et puis c'est tout. Tu lui as donc dit que tu ne savais pas qui je suis? Eh oui. Cependant, je voudrais bien le savoir, car quelquefois, cela me chicane. Il y a dans la ville tant de vauriens, tant de fripons, qui courent par le monde pour fourber l'un, pour attraper l'autre, et qui ont bonne mine comme vous. Ah non, je vous crois un honnête garçon, moi. Va, ne t'embarrasse pas. Harlequin, tu as bon maître, je t'en assure. Bon, vous me payez bien. Je n'ai pas besoin d'autre caution. Et au cas que vous soyez quelque bohémien, eh ben, pardi, au moins, vous êtes un bohémien de bon compte. Ah, voilà, c'est le sort-point du respect que tu me dois. Tenez, d'un autre côté, quelquefois, j'imagine que vous êtes quelque grand seigneur. Car j'ai entendu dire qu'il y a eu des princes qui ont couru la prétentaine afin de s'ébaudir. Et peut-être que c'est un vertigo qui vous a pris, vous aussi. Et par où juges-tu que je pourrais être un prince? Voilà une plaisante idée. Est-ce par le nombre des équipages que j'avais quand je t'ai pris? Par ma magnificence. Oh, belle bagatelle! Mais tout le monde a de cela! Mais par la mardi, personne n'a aussi bon cœur que vous. Et m'est avis que c'est là la marque d'un prince. On peut avoir le cœur bon sans être prince. Et pour l'avoir tel, un prince a plus à travailler qu'un autre. Mais comme tu es attaché à moi, je veux bien te confier que je suis un homme de condition qui me divertit à voyager à l'inconnu pour étudier les hommes et voir ce qu'ils sont dans tous les états. Je suis jeune, c'est une étude qui me sera nécessaire un jour. Voilà mon secret. Ma foi, mais cette étude-là ne vous apprendra que misère. Alors ça n'était pas la peine de courir la poste pour venir étudier toute cette racaille. Qu'est-ce que vous ferez de cette connaissance des hommes? Vous n'y apprendrez rien que des pauvretés. C'est qu'ils ne me tromperont plus. Mais cela vous gâtera. D'où vient? Et vous ne serez plus si bon enfant quand vous serez bien savant sur toute cette race-là. En voyant tant de canailles, par dépit, canailles vous deviendrez. Il ne raisonne pas mal. Adieu, Harlequin. Te voilà instruit, garde-moi le secret. Je vais retrouver la princesse. De quel côté tournerai-je pour retrouver notre maison? Sais-tu pas ton chemin? Tu n'as qu'à traverser cette galerie. reconnaissez-vous, madame? Je crois que oui, monsieur. Me fuirez-vous encore? Il le faudra peut-être bien. Et pourquoi donc le faudra-t-il? Vous déplaise tant que vous ne puissiez au moins supporter ma vue. Monsieur, la conversation commence d'une manière qui m'embarrasse. Je ne sais que vous répondre. Je ne saurais vous dire que vous me plaisez. Non, madame, je ne l'exige pas non plus. Ce bonheur-là n'est pas fait pour moi et je ne mérite sans doute que votre indifférence. Je ne serais pas assez modeste si je vous disais que vous l'êtes trop. Mais de quoi s'agit-il? Je vous estime. Je vous ai une grande obligation. Nous nous retrouvons ici, nous nous reconnaissons. Vous n'avez pas besoin de moi, vous avez la princesse. Que pourriez-vous me vouloir encore? Vous demandez la seule consolation de vous ouvrir mon cœur. Je vous consolerai mal. Je n'ai point de talent pour être confidente. Confidente, madame. Oh, vous ne voulez pas m'entendre. Non, je suis naturelle et pour preuve de cela, vous pouvez vous expliquer mieux. Je ne vous en empêche point. Cela est sans conséquence. Et quoi, madame? Le chagrin que j'eus en vous quittant il y a 7 ou 8 mois ne vous a point appris mes sentiments? Le chagrin que vous eûtes en me quittant? Et à propos de quoi? Qu'est-ce que c'était que votre tristesse? Rappelez-moi le sujet, voyant, je ne m'en souviens plus. Que ne m'en coûta-t-il pas pour vous quitter? Vous que j'aurais voulu ne quitter jamais, dont il faudra pourtant que je me sépare. Quoi, c'est là ce que vous entendiez? En vérité, je suis confuse de vous avoir demandé cette explication. Je vous prie de croire que j'étais dans la meilleure foi du monde. Je vois bien que vous ne voudrez jamais en apprendre davantage. Vous ne m'avez donc point oublié? Non, madame, je ne l'ai jamais pu. Et puisque je vous revois, je ne le pourrai jamais. Mais quelle était mon erreur lorsque je vous quittais? Je crus recevoir de vous un regard dont la douceur me pénétra. Et je vois bien que je me suis trompé. Je me souviens de ce regard-là, par exemple. Et que pensiez-vous, madame, en me regardant ainsi? Je pensais apparemment que je vous devais la vie. C'était donc une pure reconnaissance. J'aurais de la peine à vous rendre compte de cela. J'étais pénétrée du service que vous m'aviez rendu, de votre générosité. Vous alliez nous quitter, je vous voyais triste. Je l'étais peut-être moi-même. Je vous regardais comme je pus, sans savoir comment, sans me gêner. Il y a des moments où les regards signifient ce qu'ils peuvent. On ne répond de rien, on ne sait point trop ce qu'on y met. Il y a entre trop de choses. Pour ce que je sais, c'est que je me serais bien passée de savoir votre secret. Et que vous importe de le savoir, puisque j'en souffrirai tout seul. Tout seul? Ôtez-moi dans mon cœur, ôtez-moi ma reconnaissance, ôtez-vous vous-même. Que dirais-je? Je me méfie de tout. Il est vrai que votre pitié m'est bien due. J'ai plus d'un chagrin. Vous ne m'aimerez jamais et vous m'avez dit que vous étiez mariée. Oh, eh bien, je suis veuve. Perdez du moins la moitié de vos chagrins. À l'égard de celui de n'être point aimé. Oh, je vais, madame, à l'égard de celui-là. Faites comme vous pourrez, je ne suis pas mal intentionnée, mais... Supposons que je vous aime. N'y a-t-il pas une princesse qui croit que vous l'aimez, qui vous aime peut-être elle-même, qui est la maîtresse ici, qui est vive, qui peut disposer de vous et de moi? À quoi donc mon amour aboutirait-il? Il n'aboutira à rien dès lors qu'il n'est qu'une supposition. Je vais oublier que je le supposais. Ne deviendra-t-il jamais réel? Je ne vous dirai plus rien. Vous m'avez demandé la consolation de voir, de m'ouvrir votre cœur. Au lieu de cela, vous me trompez. Vous prenez la consolation de voir dans le mien. Je sais votre secret, en voilà assez. Laissez-moi garder le mien, si je l'ai encore. J'oubliais à vous informer d'une chose. La princesse vous aime. Vous pouvez aspirer à tout. Je vais vous la prendre sa part, il en arrivera ce qu'il pourra. Adieu. Et de grâce, madame, arrêtez-vous un instant. Quoi? La princesse elle-même vous aurait chargé de me dire... Voilà de grands transports! Mais je n'ai pas charge de les rapporter. Je dis ce que j'avais à vous dire, vous m'avez entendu, je n'ai pas le temps de le répéter. Et je n'ai rien à savoir de vous. Et moi, madame, ma réponse à cela est que je vous adore. Et je vais de ce pas la porter à la princesse. Songez-vous. Si elle sait que vous m'aimez, vous ne pourrez plus me le dire. Je vous en avertis. Cette réflexion m'arrête. Mais il est cruel de se voir soupçonné de joie quand on n'a que trop. Vous avez raison de vous fâcher. La vivacité qui vient de me prendre vous fait beaucoup de tort. Il doit vous rester de violents chagrins. Il ne me reste que des sentiments de tendresse qui ne finiront qu'avec ma vie. Que voulez-vous que je fasse de ces sentiments-là? Que vous les honoriez d'un peu de retour. Je ne veux point, car je n'oserais. Je réponds de tout. Nous prendrons nos mesures et je suis d'un rang. Votre rang est d'être un homme aimable et vertueux. Et c'est là le plus beau rang du monde. Je vous dis encore une fois que cela est résolu. Je ne vous aimerai point, je n'en conviendrai jamais. Qui, moi, vous aimez? Vous accordez mon amour pour vous empêcher de régner, pour causer la perte de votre liberté, peut-être plus. Oh, mon cœur vous ferait de beaux présents. Non, Lélio, n'en parlons plus. Donnez-vous tout entier à la princesse, je vous le pardonne. Cachez votre tendresse pour moi. Ne me demandez plus la mienne, vous vous exposeriez à l'obtenir. Je ne veux point vous l'accorder, je vous aime trop pour vous perdre. Je ne peux pas mieux dire. Je crois que quelqu'un vient. J'obéirai. Je me conduirai comme vous voudrez. Je ne vous demande plus qu'une seule grâce. C'est de vouloir bien, quand l'occasion s'en présentera, que j'ai encore une conversation avec vous. Prenez-y garde, une conversation en amènera une autre et cela ne finira point, je le sens bien. Ne me refusez pas. N'abusez point de l'envie que j'ai de consentir. Je vous en conjure. Eh bien, soit, perdez-vous donc, puisque vous le voulez. Je suis au comble de la joie. J'ai retrouvé ce que j'aimais. J'ai touché le seul cœur qui pouvait rendre le mien heureux. Il ne s'agit plus que de convenir avec cette aimable personne de la manière dont je m'y prendrai pour m'assurer sa main. Puis-je avoir l'honneur de vous dire un mot? Volontiers, monsieur. Je me flatte d'être de vos amis. Vous me faites honneur. Sur ce pied-là, je prendrai la liberté de vous prier d'une chose. Vous savez que le premier secrétaire d'État de la princesse vient de mourir, et je vous avoue que j'aspire à sa place. Dans le rang où je suis, je n'ai plus qu'un pas à faire pour la remplir. Naturellement, elle me paraît due. Il y a 25 ans que je sers l'État en qualité de conseiller de la princesse. Je sais combien elle vous estime et défère à vos avis. Je vous prie de faire en sorte qu'elle pense à moi. Vous ne pouvez obliger personne qui soit plus votre serviteur que je le suis. On sait à la cour en quels termes je parle de vous. Vous y dites donc beaucoup de bien de moi? Assurément. Ayez la bonté de me regarder un peu fixement en me disant cela. Je vous le répète encore. D'où vient que vous me tenez ce discours? Oui, vous soutenez cela à merveille. L'admirable homme de cour que vous êtes. Je ne vous comprends pas. Je vais m'expliquer mieux. C'est que le service que vous me demandez ne vaut pas qu'un honnête homme pour l'obtenir. Ça baisse jusqu'à trahir ses sentiments. Jusqu'à trahir ses sentiments? Et par où jugez-vous que l'amitié dont je vous parle ne soit pas vraie? Vous me haïssez, vous dis-je. Je le sais, il ne vous en vaut aucun mal. Il n'y a que la manière dont vous vous servez que je condamne. Je vois bien que quelqu'un de mes ennemis vous aura indisposé contre moi. Point du tout. C'est de la princesse elle-même que je tiens ce que je vous dis. Et quoiqu'elle ne m'en ait fait aucun mystère, vous ne le sauriez pas sans vos compliments. Depuis que je suis ici, vous n'avez rien oublié pour lui donner de moi des idées, des avantageuses. Et vous tremblez tous les jours, dites-vous, que je ne sois un espion engagé de quelque puissance ou quelque aventurier qui s'enfuira au premier jour avec de grandes sommes si on le met en état d'en prendre. Si vous appelez cela de l'amitié. Puisque vous êtes si bien instruit, je vous avouerai franchement que mon zèle pour l'État m'a fait tenir ces discours-là et que je craignais qu'on ne se repentît de vous avancer trop. Je vous ai cru suspect et dangereux. Voilà la vérité. Parbleu, vous me charmez de me parler ainsi. Vous ne vouliez me perdre que parce que vous me soupçonniez d'être dangereux pour l'État. Votre zèle est digne de récompense, il me servira d'exemple. Vous avez craint qu'on ne m'avançât parce que vous me croyez un espion? Et moi, je craindrais qu'on ne vous fît ministre parce que je ne crois pas que l'État y gagne. Ainsi, je ne parlerai point pour vous. Ne m'en louez-vous pas aussi? Vous êtes fâché. Non, un homme d'honneur, je ne suis pas fait pour me venger de vous. Approchons-nous. Vous êtes jeune, la princesse vous estime, et j'ai une fille aimable qui est un assez bon parti. Unissons nos intérêts et devenez mon gendre. Oh, vous n'y pensez pas, mon cher monsieur. Ce mariage-là serait une conspiration contre l'État. Il faudrait travailler à vous faire ministre. Vous refusez l'offre que je vous fais? Un espion devenir votre gendre? Votre fille devenir la femme d'un aventurier? Oh, je vous demande grâce pour elle. J'ai pitié de la victime que vous voulez sacrifier à votre ambition. C'est trop aimer la fortune. Je crois offrir ma fille à un homme d'honneur. Et d'ailleurs, vous m'accusez d'un plaisant crime d'aimer la fortune. Qui est-ce qui n'aimerait pas à gouverner? Celui qui en serait digne. Celui qui en serait digne? Oui. C'est l'homme qui aurait plus de vertu que d'ambition et d'avarice. Vous avez bien de la fierté. Mais point du tout, ce n'est que du zèle. Ne vous flattez pas tant. On peut tomber de plus haut que vous n'êtes. Et la princesse verra clair un jour. Ah, je vous vois le visage à présent. Il n'est pas joli, mais cela vaut toujours mieux que le masque que vous portiez tout à l'heure. Personne que les souverains doivent s'attacher. Il ne tiendra pas à moi que vous ne vous fixiez ici. Et j'espère que vous accepterez l'emploi de mon premier secrétaire d'État que je vous offre. Vos bontés sont infinies, madame, mais mon métier est la guerre. Vous faites mieux qu'un autre tout ce que vous voulez faire. Et quand votre présence sera nécessaire à l'armée, vous choisirez pour remplir vos fonctions ici ceux que vous en jugerez les plus capables. Ce que vous ferez n'est pas sans exemple dans cet État. Madame, vous avez d'habiles gens ici, d'anciens serviteurs à qui cet emploi convient mieux qu'à moi. La supériorité de mérite doit l'emporter en pareil cas sur l'ancienneté des services. Et d'ailleurs, Frédéric est le seul que cette fonction pouvait regarder si vous n'y étiez pas. Mais il m'est affectionné. Et je suis sûre qu'il se soumet de bon cœur au choix qui m'a paru le meilleur. Frédéric, soyez ami de Lélio, je vous le recommande. C'est aujourd'hui le jour de ma naissance. Et ma cour, suivant l'usage, me donne une fête que je vais voir. Lélio, donnez-moi la main pour m'y conduire. Vous y verra-t-on, Frédéric? Madame, les fêtes ne me conviennent plus. Si je ne viens à bout de perdre cet homme-là, ma chute est sûre. Un homme sans nom, sans parents, sans patrie, car on ne sait d'où il vient, m'arrache le ministère. Le fruit de 30 années de travail. Pourrait-on savoir l'histoire de sa vie errante et prendre ensuite quelques mesures avec l'ambassadeur du roi de Castille, dont j'ai la confiance? Voici le valet de cet aventurier. Tâchons à quelque prix que ce soit de le mettre dans mes intérêts. Il pourra m'être utile. Bonjour, Arlequin. Es-tu bien riche? 24, 25, 26 et 27 sous. J'en avais 30. Comptez-vous, monseigneur le conseiller, n'est-ce pas 3 sous que je perds? Cela est juste. Ouais, ben que le diable emporte le jeu et les fripons avec. Quoi, tu jures pour 3 sous de perte? Oh, je veux te rendre la joie, tiens. Voilà une pistole. Oh, le brave conseiller que vous êtes, vous méritez bien une cabriole. Te voilà de meilleure humeur. Quand je disais que le diable emporte les fripons, je ne vous comptais pas au moins. J'en suis persuadé. Mais il me manque toujours 3 sous. Non, car il y a bien des 3 sous dans une pistole. Et il y a peut-être bien des 3 sous dans une pistole, mais cela ne fait rien aux 3 sous qui manquent dans mon chapeau. Je vois bien qu'il t'en faut encore une autre. Oh, oh, oh, oh, oh, deux cabrioles. Aimes-tu l'argent? Oh, beaucoup. Tu serais donc bien aise de faire une petite fortune. Eh, quand elle serait grosse, je la prendrais en patience. Écoute, j'ai bien peur que la faveur de ton maître ne soit pas longue. Elle est un grand coup de hasard. Ah, c'est comme s'il avait gagné aux cartes. Le connais-tu? Non. Je crois que c'est quelque enfant trouvé. Je te conseillerais de t'attacher à quelqu'un de stable, à moi, par exemple. Ah, vous avez l'air d'un bonhomme, mais vous êtes trop vieux. Comment trop vieux? Et vous mourrez bientôt et vous me laisseriez orphelin de votre amitié. J'espère que tu ne seras pas bon prophète, mais je peux te faire beaucoup de bien en très peu de temps. Tenez, vous avez raison, mais on sait bien ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on prend. Je n'ai point d'esprit, mais de la prudence. J'en ai que c'est une merveille. Et voilà comme je dis, un homme qui se trouve bien assis, qu'a-t-il besoin de se mettre debout? J'ai bon pain, bon vin, bonne fricassée et bon visage. Santé, cuparant et les étreignons vous. Cela n'est-il pas magnifique? Tu me cites là de beaux avantages. Je ne prétends pas que tu t'attaches à moi pour être mon domestique. Je veux te donner des emplois qui t'enrichiront et par-dessus le marché, te marier avec une jolie fille, il y a du bien. Ah, dame, ma prudence me dit que vous avez raison. Je suis debout et vous me faites asseoir. Cela vaut mieux. Il n'y a point de comparaison. Pardieu, vous me traitez comme votre propre enfant et il n'y a pas à tortiller à cela. Oh, du bien, des emplois et une jolie fille. Oh, mais voilà une pleine boutique de vivres, d'argent et de friandises. Oh, ah, par la sangaine, vous m'aimez beaucoup pourtant. Oui, ta physionomie me plaît, je te trouve un bon garçon. Oh, pour cela, je suis drôle comme un coffre. Oh, allez, laissez faire, nous rirons comme des fous ensemble. Mais allons faire venir ce bien, ces emplois et cette jolie fille, car j'ai hâte d'être riche et bien aise. Non, ils te sont assurés, te dis-je. Mais il faut que tu me rendes un petit service. Puisque tu te donnes à moi, tu n'en dois pas faire de difficultés. Oh, je vous regarde comme mon père. Je ne veux de toi qu'une bagatelle. Tu es chez le seigneur Lélio. Je serais curieux de savoir qui il est. Je souhaiterais donc que tu y restasses encore 3 semaines ou 1 mois pour me rapporter tout ce que tu lui entendras dire, en particulier tout ce que tu lui verras faire. Il peut arriver que dans des moments, un homme chez lui dise de certaines choses et en fasse d'autres qui le décèlent et dont on peut tirer des conjectures. Observe tout soigneusement. Et en attendant que je te récompense entièrement, voilà par avance de l'argent que je te donne encore. Pensez-moi encore la fille, nous la rabattrons sur le reste. On ne paie un service qu'après qu'il est rendu, mon enfant, c'est la coutume. Oh, coutume de vilain que cela. Mais tu n'attendras que 3 semaines. Oh, j'aime mieux vous faire mon billet, comme quoi j'aurais reçu cette fille à compte. Non, je ne plaiderai point contre mon écrit. Tu me serviras de meilleur courage en l'attendant. Acquitte-toi d'abord de ce que je dis. Pourquoi hésites-tu? Tout franc, c'est que la commission me chiffonne. Quoi, tu mets mon argent dans ta poche et tu refuses de me servir? Ah, oh, ne parlons point de votre argent. Non, non, il est fort bon et je n'ai rien à lui dire. Mais tenez, j'ai opinion que vous voulez me donner un office de fripon. Car qu'est-ce que vous voulez faire des paroles du seigneur Lélio, mon maître, là? C'est une simple curiosité qui me prend. Il y a de la malice là-dessous. Vous avez l'air d'un sournois. Je m'en vais gager 10 sous contre vous que vous ne valiez rien. Que te mets-tu donc dans l'esprit? Tu n'y songes pas, Arlequin. Allez, vous ne devriez pas tenter un pauvre garçon qui n'a pas plus d'honneur qu'il lui en faut. Et qui aime les filles. J'ai bien de la peine à m'empêcher d'être un coquin. Faut-il que l'honneur me ruine et qu'il m'enlève mon bien, mes emplois et une jolie fille? À part la mardi, vous êtes bien méchant d'avoir été trouver l'invention de cette fille. Encore une fois, es-tu fou d'être si longtemps à prendre ton parti? D'où vient ton scrupule? De quoi s'agit-il? De me donner des instructions innocentes sur le chapitre d'un homme inconnu qui demain tombera peut-être et qui te laissera sur le pavé. Ah, songes-tu bien que je t'offre ta fortune et que tu la perds? Je songe que cette commission sent le tricot tout pur. Et par bonheur que ce tricot a fortifié mon pauvre honneur qui a bien pensé bargouiner. Tenez, votre joli fils, ça n'est qu'une guenon. Vos emplois de la marchandise de chien. Et je m'en vais tout droit trouver la princesse et mon maître. Peut-être récompenseront-ils le dommage que je souffre pour l'amour de ma bonne conscience. Comment trouver la princesse et ton maître d'où vient? Ouais, pour leur compter mon désastre et toute votre marchandise. Misérable, as-tu donc résolu de me perdre, de me déshonorer? Quand on n'a point d'honneur, faut-il avoir de la réputation? Ah, si tu parles, malheureux que tu es, je prendrai de toi une vengeance terrible. Ta vie me répondra de ce que tu feras, m'entends-tu bien? Ma vie n'a jamais servi de caution. Je boirai encore bouteille 30 ans après votre trépassement. Vous êtes vieux comme le père Atrétout, et moi je m'appelle le cadet Arlequin. Adieu. Arrête, Arlequin! Tu me mets au désespoir, tu ne sais pas la conséquence de ce que tu vas faire, mon enfant. Tu me fais trembler. C'est toi-même que je te conjure d'épargner en te priant de sauver mon honneur. Encore une fois, arrête! La situation d'esprit où tu me mets ne me punit que trop de mon imprudence. Comment? Mais cela est épouvantable! Je passe mon chemin sans songer à mal. Et puis vous venez à l'encontre de moi pour m'offrir des filles. Et puis vous me donnez une pistole pour 3 sous, est-ce que cela se fait? Moi je prends cela parce que je suis honnête. Et puis vous me fourbez encore avec je ne sais combien de pistoles que j'ai dans ma poche et que je ferai venir en témoignage contre vous, comme quoi vous avez mitonné le cœur d'un innocent qui a eu sa conscience pour lui et la crainte du bâton dans les yeux et qui sans cela aurait trahi son bon maître, qui est le plus brave et le plus gentil garçon, le meilleur corps qu'on puisse trouver dans tous les corps du monde et le factotum de la princesse. Enfin, cela peut-il souffrir? Doucement, Arlequin, quelqu'un peut le nier. J'ai tort, mais finissons. J'achèterai ton silence tout ce que tu voudras. Parle, que me demandes-tu? Je ne vous ferai pas bon marché, prenez-y garde. Dis ce que tu veux, tes longueurs me tuent. Pourtant, ce que c'est que d'être honnête homme, hein? Je n'ai que cela pour tout potage, moi. Voyez comme je me carre avec vous? Allons, présentez-moi votre requête. Appelez-moi un peu mon seigneur pour voir comment cela se fait. Je suis Frédéric à 7h et vous êtes Arlequin. Finissons, mon enfant, que te faut-il? Ah ben tout bonnement, pendant que je suis Frédéric, je veux profiter un petit brin de ma seigneurie. Quand j'étais Arlequin, vous faisiez le gros dos avec moi. Eh bien maintenant que c'est vous qui l'êtes, je veux prendre un peu ma revanche. Ah, je suis perdu. Allez, consolez-vous, va. Je suis là de faire le glorieux, tout cela est trop sot. Il n'y a que vous qui puissiez vous accoutumer à cela. Ajustons-nous. Tu n'as qu'à dire. Avez-vous encore de cet argent jaune? J'aime cette couleur-là, elle dure plus longtemps qu'une autre. Voilà tout ce qui me reste. Bon, ces pistoles-là, c'est pour votre pénitence de m'avoir donné les autres pistoles. Venons au reste de la boutique. Parlons des emplois. Mais ces emplois, tu ne peux les exercer qu'en quittant ton maître. J'en ai rien commis. Et pour l'argent qu'il m'en coûtera, vous me donnerez une bonne pension de... 100 écus par an. Soit tu seras content, mais me promets-tu de te taire? Toucher là, c'est marché fait. Tu ne te repentiras pas de m'avoir tenu parole. Adieu, Arlequin, je m'en vais tranquille. Qu'en veux-tu? Et à propos, nous oublions cette jolie fille. Bah, tu dis que c'est une guenon. J'aime assez les guenons. Eh bien, je tâcherai de te la faire avoir. Et moi, je tâcherai de me taire. Puisqu'il te la faut absolument, reviens me trouver tantôt. Tu la verras. Je veux son cœur sans tricherie. Sans doute. Je suis à vous dans un quart d'heure. Tenez-moi la fille prête. J'ai fait une offense envers vos grâces et je suis d'avis de vous en demander pardon pendant que j'en ai la repentance. Quoi? Un aussi joli garçon que vous est-il capable d'offenser quelqu'un? Oh, un aussi joli garçon que moi. Oh, cela me confond. Je ne mérite pas le pain que je mange. Non, mais pourquoi donc avez-vous fait? Oh, j'ai fait une insolence. Mamie, donnez-moi conseil. Voulez-vous que je m'en accuse à genoux ou bien sur mes deux jambes? Non, non, non, non, dites-moi sans façon. Faites-moi bien de la honte. Ne m'épargnez pas. Mais je ne veux ni vous battre, ni vous voir à genoux. Je me contenterai de savoir ce que vous avez dit. Mamie, vous n'êtes point assez rude, mais je connais mon devoir. Mais levez-vous donc, mon cher. Je vous ai déjà pardonné. Écoutez-moi. J'ai dit, en parlant de votre inimitable personne, j'ai dit, le reste est si gros qu'il m'étouffe. Vous avez dit? J'ai dit que vous n'étiez qu'une guenon. Pourquoi donc m'aimez-vous si vous me trouvez telle? Ah non, mais je confesse que j'en ai menti. Je me croyais plus supportable. Voilà la vérité. Oh, mais ne vous avais-je pas dit que j'étais un misérable? Mais je n'avais point encore vu votre gentil minois. Comment, vous ne me connaissiez pas dans ce temps-là? Vous ne m'aviez jamais vu? Pas seulement le bout de votre nez. Oh, mais je ne suis plus fâchée. Eh bien, ne me trouvez-vous pas à votre goût, à présent? Oh, vous êtes délicieuse. Eh bien, vous ne m'avez pas insultée. Et quand bien même cela serait, y a-t-il de meilleure réparation que l'amour que vous avez pour moi? Oh. Allez, mon ami, ne songez plus à cela. Non. Quand je vous regarde, je me trouve si sot. Ah, tant mieux. Je suis bien aise que vous m'aimiez, car vous me plaisez beaucoup. Oh. Oh. Oh, vous me faites mourir d'aise. Mais est-il bien sûr que vous m'aimiez? Oh. Oh, tenez, je vous aime. Mais qui diantre peut dire cela, combien je vous aime? Cela est si gros que je n'en sais pas le compte. Vous voulez m'épouser? Oh, je ne badine point. Je vous recherche honnêtement et par devant notaire. Vous êtes tout à moi. Oh, comme un carteron d'épingle que vous auriez acheté chez le marchand. Avez-vous envie que je sois heureuse? Oh, je voudrais pouvoir vous entretenir fainéante toute votre vie. Manger, boire et dormir, voilà tout l'ouvrage que je vous souhaite. Eh bien, mon ami, il faut que je vous avoue une chose. J'ai fait tirer mon horoscope il n'y a pas plus de 8 jours. Oh. Vous passâtes dans ce moment-là et l'on me dit... Voyez-vous ce joli brunet qui passe? Il s'appelle Arlequin. Tout juste. Il vous aimera. Oh, l'habile homme. Le seigneur Frédéric lui proposa de le servir contre un inconnu. Il refusera d'abord parce qu'il s'imaginera que cela ne serait pas bien. Mais vous obtiendrez de lui ce qu'il aura refusé au seigneur Frédéric. Et de là, s'en suivra une grosse fortune dont vous jouirez, mariés ensemble. Voilà ce qu'on m'a prédit. Vous m'aimez déjà? Vous voulez m'épouser? La prédiction est bien avancée. Et à l'égard de la proposition du seigneur Frédéric, je ne sais ce que c'est. Mais vous savez bien ce qu'il vous a dit. Quant à moi, on m'a seulement recommandé de vous aimer. Je suis en bon train, comme vous voyez. Oh, mais cela est admirable. Mais je vous aime, cela est vrai. Je veux vous épouser, cela est encore vrai. Et véritablement, le seigneur Frédéric m'a proposé d'être en fripon. Je n'ai pas voulu l'être, et vous verrez qu'il faudra que j'en passe par là, car quand une chose est prédite, elle ne manque pas d'arriver, n'est-ce pas? Prenez garde! On ne m'a pas prédit que le seigneur Frédéric vous proposait une friponnerie. On m'a seulement prédit que vous croiriez que c'en serait une. Ah, mais je l'ai cru aussi. Et apparemment, je me suis trompée. Oh, mais cela va tout seul. Oh, je suis un grand nigaud. Oui, mais au bout du compte, cela avait la mine d'une friponnerie comme j'ai la mine d'Arlequin. Je suis fâché d'avoir vilipendé ce bon seigneur Frédéric. Je lui ai fait donner tout son argent. Par bonheur, je ne suis pas obligé à restitution. Et je ne devinais pas qu'il y avait une prédiction qui me donnait le tort. Sans doute. Et avec ça, cette prédiction doit avoir prédit que je lui viderai sa bourse. Gardez ce que vous avez reçu. Oh, mais cet argent m'était dû comme une lettre de change. Et puis si j'allais le rendre, cela gâterait l'horoscope. Il ne faut pas de cela à l'encontre d'un astrologue. Oh, vous avez raison. Non, il ne s'agit plus à présent que d'obéir à ce qui est prédit en faisant ce que souhaite le seigneur Frédéric afin de gagner pour nous cette grosse fortune qui nous est promise. Oh, gagnons, mamie, gagnons. Cela est juste. Arlequin est à vous. Je vous aime. Je veux vous épouser. Je tromperai le seigneur Lélio et je m'engausse. Le vent me pousse. Il faut que j'aille. Il me pousse à baiser votre menotte. Et il faut que je la baise. Non, mais l'astrologue n'a pas prêté cet article-là. Oh, il l'aura sans doute oublié. Oh, apparemment. Mais allons trouver le seigneur Frédéric afin de vous réconcilier avec lui. Voici mon maître. Je dois être encore 3 semaines avec lui pour guetter ce qu'il fera. Je vais voir s'il n'a pas besoin de moi. Allez, mes amours. Allez m'attendre chez le seigneur Frédéric. Oh, ne tardez pas. Voilà dans un embarras dont je ne sais comment me tirer. Il est embarrassé. Je tremble que la princesse, pendant la fête, n'ait surpris mes regards sur la personne que j'aime. Il tremble pour la princesse. Tu bleus, ce frisson-là est une affaire d'état, Bertuchou. Si la princesse vient à soupçonner mon penchant pour son ami, sa jalousie me la dérobera et peut-être fera-t-elle pire. La dérobera? Mais il traite la princesse de friponne. Oh, par la sambille, monsieur le conseiller fera bien ses orges de ces bribes-là que je ramasse. Et je sens bien que cela me vaudra pignon sur rue. J'aurais besoin d'une entrevue. Qu'est-ce qu'une entrevue? Oh, je crois bien qu'il parle latin. Oh, le pauvre homme. Il me fait pitié pourtant, car peut-être qu'il en mourra. Mais l'horoscope le veut. Pourtant, si j'avais un peu sa permission... Voyons, je vais lui parler. Ah, mon cher maître! Que me veux-tu? Je viens vous demander ma petite fortune. Qu'est-ce que cette fortune? Oui, c'est que le seigneur Frédéric m'a promis plein mes poches d'argent si je lui comptais un peu ce que vous êtes et tout ce que je sais de vous. Non, il m'a bien recommandé le secret et je suis obligé de le garder en conscience. Alors, ce que j'en dis, ce n'est que par manière de parler. Voulez-vous que je lui rapporte toutes les petites babioles qu'il demande? Non, vous savez que je suis pauvre. L'argent qu'il m'en viendra, je le mettrai en rente ou je le prêterai à usure. Que Frédéric est lâche. Je pardonne à ta simplicité le compliment que tu me fais. Tu as de l'honneur à ta manière. Et je ne vois nul inconvénient pour moi à te laisser profiter de la bassesse de Frédéric. Votre foi ? Oui, reçois son argent. Oh, non, ne vous gênez point avec moi. Ah. Non, parlez-moi sans façon. Je vous laisse la liberté, rien de force. Mais j'y consens. Oh. Adieu, Arlequin. Va gagner ton argent. Eh, quand on a un peu d'esprit, on s'accommode de tout. Un butor aurait été chagriné son maître sans lui en demander honnêtement le privilège. Et à cette heure, si je lui cause du chagrin, eh ben, ce sera de bonne amitié au moins.

Que voulez-vous, madame? Je n'en sais rien. Vous êtes au désespoir, vous m'y mettez, je ne sais encore que cela. Vous me haïrez si je ne vous quitte. Je ne vous ai plus quand vous me quittez. Daignez donc consulter votre cœur. Vous voyez bien les conseils qu'il me donne. Vous partez, je vous rappellerai si je vous renvoie, mon cœur ne finira rien. Ne me renvoyez plus. Laissez-moi vous expliquer mes mesures et vous dire que ma naissance... Je me retrouve enfin, je ne veux plus rien entendre. Ne s'agit-il pas de sortir d'ici? Ne pourrons-nous, ne serez-vous pas arrêtés? Adieu, je vous dois la vie. Je ne vous devrai rien si vous ne sauvez la vôtre. Vous dites que vous m'aimez, non, je n'en crois rien si vous ne partez. Partez, ma tendresse vous l'ordonne. Je partirai puisque vous le voulez. Mais vous prétendez me sauver la vie et vous n'y réussirez pas. Vous me rappelez donc à votre tour. J'aime autant mourir que de ne vous plus voir. Voyons dans les mesures que vous voulez prendre. Je ne saurais retenir mes transports. Vous m'aimez beaucoup, je le sais. Passons votre reconnaissance. Nous dirons cela une autre fois. Venons aux mesures. Qu'ai-je au lieu d'une couronne qui m'attend, l'empire de la terre à vous offrir. Vous êtes né prince, mais vous n'avez qu'à me garder votre cœur, vous ne me donnerez rien qu'il vaille. Achevons. J'attends demain incognito un courrier du roi de Léon, mon père. Non, arrêtez, prince. Frédéric est là, l'ambassadeur vous attend sans doute. Vous m'informerez tantôt de vos résolutions. Je crains encore vos inquiétudes. Et moi, je ne crains plus rien. Je me sens l'imprudence la plus tranquille du monde. Vous me l'avez donnée, je m'en trouve bien. C'est à vous à me la garantir, faites comme vous pourrez. Tout ira bien, madame. Je ne conclurai rien avec l'ambassadeur pour gagner du temps. Je vous reverrai tantôt. Sûr jusqu'où va l'audace de ses espérances. Vous savez, monsieur, ce qui m'appelle ici et votre habileté répondra du succès de ma commission. Il s'agit d'un mariage entre votre princesse et le roi de Castille, mon maître. Tout invite à le conclure, jamais union ne fut peut-être plus nécessaire. Vous n'ignorez pas les justes droits que les rois de Castille prétendent avoir sur une partie de cet état par les alliances... Laissons là ces droits historiques, monsieur, je sais ce que c'est. Et quand on voudra, la princesse en produira de même valeur sur les états du roi, votre maître. Nous n'avons qu'à relire aussi les alliances passées. Vous verrez qu'il y aura quelqu'une de nos provinces qui vous appartiendra. Effectivement, vos droits ne sont pas fondés et il n'est pas besoin d'en appuyer le mariage dont il s'agit. Laissons-les donc pour le présent, j'y consens, mais la trop grande proximité des deux États entretient depuis 20 ans des guerres qui ne finissent que pour peu de temps et qui recommenceront bientôt entre deux nations voisines dont les intérêts se croiseront toujours. Vos peuples sont fatigués, 1000 occasions vous ont prouvé que vos ressources sont inégales aux nôtres. La paix que nous venons de faire avec vous, vous la devez à des circonstances qui ne se rencontreront pas toujours. Si la Castille n'avait été occupée ailleurs, les choses auraient bien changé de face. Point du tout. Il en aurait été de cette guerre comme de toutes les autres. Depuis tant de siècles que cet État se défend contre le vôtre. Où sont vos progrès? Je n'en vois point qui puisse justifier cette grande qualité dont vous parlez. Vous ne vous êtes soutenu que par des secours étrangers. Ces mêmes secours, dans bien des occasions, vous ont aussi rendu de grands services. Et voilà comment subsistent les États. La politique de l'un arrête l'ambition de l'autre. Retranchons-nous sur des choses plus effectives, sur la tranquillité durable que ce mariage assurait aux deux peuples qui ne seraient plus qu'un, et qui n'auraient plus qu'un même maître. Fort bien, mais nos peuples n'ont-ils pas leur loi particulière? Êtes-vous sûr, monsieur, qu'ils voudront bien passer sous une domination étrangère et peut-être se soumettre aux coutumes d'une nation qui leur est antipathique? Désobéiront-ils à leur souveraine? Ils lui désobéiront, par amour pour elle. En ce cas-là, il ne sera pas difficile de les réduire. Y pensez-vous, monsieur? S'il faut les opprimer pour les rendre tranquilles, comme vous l'entendez, ce n'est pas de leur souveraine que doit leur venir un pareil repos. Il n'appartient qu'à la fureur d'un ennemi de leur faire un présent si funeste. Votre avis est donc de rejeter le mariage que je propose? Je ne le rejette point, mais il mérite réflexion. Il faut examiner mûrement les choses. Après quoi, je conseillerai à la princesse ce que je jugerai le mieux pour sa gloire et pour le bien de ses peuples. Le seigneur Frédéric dira ses raisons, et moi les miennes. On décidera sur les vôtres. Me permettez-vous de vous parler à cœur ouvert? Vous êtes le maître. Vous êtes ici dans une belle situation et vous craignez d'en sortir si la princesse se marie. Mais le roi, mon maître, est assez grand seigneur pour vous dédommager et j'en réponds pour lui. Oh, de grâce, ne citez point ici le roi, votre maître. Soupçonnez-moi tant que vous voudrez de manquer de droiture, mais ne l'associez point à vos soupçons. Quand nous faisons parler les princes, monsieur,

N'avez-vous pas vu monsieur mon ami? Et où diable peut-il être? Et que la peste l'étouffe! Alors moi, je cours encore, patati patata, je jure, je rencontre un porteur d'eau, je renverse son eau. N'avez-vous pas vu le seigneur Frédéric? Attends, je m'en vais t'entendre du seigneur Frédéric par les oreilles. Moi, je m'enfuis. Ah, oh, par l'assemblée, bleu, serait-il pas au cabaret? J'y entre, j'y trouve du vin, je bois chopine, je m'apaise, et puis je reviens. Et puis vous voilà. Achève, sais-tu quelque chose? Tu me donnes bien de la patience. 100 000 écus ne seraient pas dignes de me payer ma peine. Non, cependant, j'en rabattrai beaucoup. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je t'en promets au sortir d'ici. Oh, pourquoi est-ce que vous oubliez votre bourse à la maison? Ah, ben, si j'avais su ça, je ne vous aurais pas trouvé. Car pendant que j'y suis, il faut que je vous tienne. Mais tu n'y perds rien. Parle, que sais-tu? Oh, de bonnes choses. C'est du nanan. Voyons. Cet argent promis m'envoie des scrupules. Si vous pouviez me donner des gages. Oh! Oh, ce petit diamant qui est à votre petit doigt, par exemple. Oh, lorsque cela promet de l'argent, cela tient parole. Prends, le voilà pour garant de la mienne. Ne me fais plus languir. Oh, vous êtes honnête homme et votre bague aussi. Or donc, tantôt, monsieur Lélion, qui vous méprise que c'est une bénédiction, il parlait. À lui tout seul. Bon. Oui, bon. Et. Mais voilà la princesse. Que dirais-je tout devant elle? Ah, tu m'en fais venir l'idée, oui. Ne dis rien de tes engagements avec moi. Je vais parler le premier et conforme-toi à ce que tu m'entendras dire. Eh bien, Frédéric, vous avez entendu avec l'ambassadeur? Madame. Monsieur Léliot prétend que sa proposition est recevable. Lui? Son sentiment est que j'épouse le roi de Castille? Il n'a demandé que le temps d'examiner un peu la chose. Je n'aurais pas cru qu'il dût penser comme vous le dites. Il en pense, ma foi, bien d'autres. Ah, te voilà. Que faites-vous de son valet ici? Quand vous êtes arrivée, madame, il venait, disait-il, me déclarer quelque chose qui vous concerne, mais que le zèle qu'il a pour vous l'oblige de découvrir. Monsieur Léliot y est mêlé, mais je n'ai pas eu encore le temps de savoir ce que c'est. Sachons-le. De quoi s'agit-il? C'est que voyez-vous, madame, il n'y a mardi point de chanson à cela. Je suis bon serviteur de votre principauté. Quoi, madame, pouvez-vous prêter l'oreille au discours de pareils gens? On s'amuse de tout. Continue. Je n'entends ni à Adia ni à U quand on ne vous rend pas la révérence qui vous appartient. À merveille. Mais viens au fait sans compliment. Hé, dame, lorsqu'on vous parle à vous autres, ce n'est pas le tout que d'ôter son chapeau. Il faut bien mettre en avant quelques petites fariboles au bout. À cette heure, voici mon histoire. Vous saurez donc, avec votre permission, que tantôt j'écoutais monsieur Léliot qui faisait la conversation des fous, car il parlait tout seul. Il était devant moi et moi derrière. Or, ne vous déplaise, il ne savait pas que j'étais là. Il se virait, je me virais. C'était une farce. Tout à coup, il ne s'est plus viré. Et puis, il s'est mis à dire comme cela, « Ouf, je suis diablement embarrassé. » Moi, j'ai compris qu'il avait de l'embarras. Alors, quand il a eu dit cela, il n'a rien dit davantage. Il s'est promené. Ensuite, il lui a pris un grand frisson. En vérité, madame, vous m'étonnez. Que veux-tu dire? Oui, il a dit « je tremble ». Et ça n'était pas pour des prunes, le gaillard. Car, a-t-il ajouté, j'ai lorgné ma gentille maîtresse pendant cette belle fête, et si cette princesse, qui est plus fine qu'un merle, a vu trotter ma prunelle, mon affaire va mal, j'en dis du mirliro. Là-dessus, autre promenade. Ensuite, autre conversation. Par la ventre bleue, a-t-il dit, j'ai du guignon. Je suis amoureux de cette gracieuse personne, et si la princesse vient à le savoir... Et y allons donc, nous verrons Beautrin, je serai un joli mignon. Elle sera capable de me friponner, mamie. Jour de Dieu, ai-je dit en moi-même. Friponner? Mais cela est le fait des larrons, et non point d'une princesse qui est fidèle comme l'or. Oh, mais, par la ventre bleue, mais qu'est-ce que c'est que tout ce tripotage-là? Toutes ces paroles-là en mauvaise mine. Mon patron songe à malice. Et il faut absolument en avertir cette pauvre princesse à qui on en ferait passer 15 pour 14. Alors, je suis donc venu comme un honnête garçon, et voilà que je vous découvre le pot aux roses. Mais je vous dis la signification du discours, et le tout gratis, si cela vous plaît. Oh, quelle aventure! Madame, vous m'avez dit quelquefois que je présumais mal de Lélio. Voyez l'abus qu'il fait de votre estime. Taisez-vous, je n'ai que faire de vos réflexions. Pour toi, je vais t'apprendre à trahir ton maître. Chose que tu ne devais pas entendre, et à me compromettre dans l'impertinente répétition que tu en fais. Une étroite prison me répondra de ton silence. Ayez pitié de moi, madame. Non, arrachez-moi la langue et laissez-moi la clé d'échange. Miséricorde, ma reine. Oh, je ne suis qu'un buteur. Et c'est ce misérable conseiller de malheur qui m'a brouillé avec votre charitable personne. Comment cela? Madame, c'est un valet qui vous parle et qui cherche à se sauver. Je ne sais ce qu'il veut dire. Laissez-le parler, monsieur. Voilà, madame. Voilà comme cela est venu. Il m'a trouvé comme j'allais tout droit devant moi. Veux-tu me faire un plaisir, m'a-t-il dit? Hélas, de tout mon cœur, car je suis bon et serviable de mon naturel. Tiens, voilà une pistole. Grand merci. Tiens, prends-en encore une autre. Et donnez mon brave homme. Tiens, prends encore cette poignée de pistole. Et oui, dans mon bon monsieur. Veux-tu me rapporter ce que tu entendras dire à ton maître? Pourquoi ça? Pour rien, par curiosité. Oh, non, mon compère, non. Mais je te donnerai tant de bonnes drogues. Je te ferai ceci, je te ferai cela. Je sais une fille qui est jolie, qui est dans ses meubles. Je la tiens dans ma manche, je te la garde. Oh, montrez-la pour voir. Oh, je l'ai laissée au logis, mais suis-moi, tu l'auras. Ah non, brocanteur, non. Quoi, tu ne veux pas d'une jolie fille? À la vérité, madame, cette fille-là me trottait dans l'âme. Ah, il me semblait que je la voyais, qu'elle était blanche, potelée. Ah, quelle satisfaction, je trouvais cela bien friand. Je bataillais comme un César. Vous m'auriez mangé de plaisir en voyant mon courage. À la fin, je suis chu. Il me doit encore une pension de 100 écus par an, et j'ai déjà reçu la fillette, que je ne peux pas vous montrer, parce qu'elle n'est pas là. Sans compter une prédiction qui a parlé, à ce qu'ils disent, de mon argent, de ma fortune et de ma friponnerie. Comment s'appelle-t-elle, cette fille? Lisette. Oh, madame. Oh, si vous voyez sa face, vous seriez ravis. Oh, avec une créature comme celle-là, il faut que l'honneur d'un homme plie bagage, il n'y a pas moyen. Un misérable comme celui-là peut-il imaginer tant d'impostures? Tenez, madame. Voilà encore sa bague, qu'il m'a mise en gage pour de l'argent qu'il doit me donner tantôt. Voyez mon innocence. Vous qui êtes une reine, si on vous donnait tant d'argent, de pensions, de bagues, et un joli garçon, est-ce que vous y pourriez tenir? Mettez la main sur la conscience. Je n'ai rien inventé, j'ai dit ce que monsieur Lélio a dit. Je verrai ce que je dois faire de vous, Frédéric. Mais vous êtes le plus indigne et le plus lâche de tous les hommes. Hélas, délivrez-moi de la prison! Voulez-vous que je vous suive, madame? Non, madame. Restez. Je suis bien aise d'être seule. Ne vous écartez point. Voilà bien accommodé. Je suis un bel oiseau. J'aurai bon air en cage. Et après cela, fiez-vous aux prédictions. Prenez des pensions et aimez les filles. Pauvre Arlequin, adieu la joie. Je n'userai plus de souliers. On va m'enfermer dans un étui à cause de ce sarrasin-là. Je suis malheureux, madame. Vous n'avez jamais paru me vouloir du mal. Dans la situation où m'a mis un zèle imprudent pour les intérêts de la princesse, puis-je espérer de vous une grâce? Oui, dame, monsieur. Faut-il demander qu'on vous ôte la vie pour vous délivrer du malheur d'être détesté de tous les hommes? Voilà, je pense, tout le service qu'on peut vous rendre. Et vous pouvez compter sur moi. Que vous ai-je fait, madame? Ah! Ah, mon bon maître! Ah, venez que je vous baisse les pieds. Je ne suis pas digne de vous baisser les mains. Oh, vous savez le privilège que vous m'avez donné tantôt? Eh bien, ce privilège est ma perdition. Pour 2 ou 3 petites miettes de paroles que j'ai rapportées de vous à la princesse, elle veut que je garde la chambre. Et j'allais faire mes fiançailles. Que signifient ces paroles, madame? J'aperçois qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le palais. Les gardes m'ont reçu avec une froideur qui m'a surpris. Qu'est-il arrivé?

Je vous en supplie. Ne restons point ici à présent ensemble. Peut-être nous verrons-nous plus libres. Je vous obéis. Mais si l'on s'en prend à vous, vous devez me laisser faire. Il me semble que vous vous défiez de moi, Arlequin. Vous ne m'apprenez rien de ce qui vous regarde. La princesse vous a envoyé tantôt chercher. Est-elle encore fâchée contre nous? Qu'a-t-elle dit? D'abord, elle ne m'a rien dit. Elle m'a regardé d'un air suffisant. Alors moi, la peur m'a pris. Je me tenais comme cela, tout dans un tas. Alors ensuite, elle m'a dit... approche. Alors, j'ai donc avancé un pied, puis un autre pied, puis un troisième pied... Puis de pied en pied, je me suis trouvé tout près d'elle, mon chapeau sur mes deux mains. Et après? Alors après, elle m'a dit, veux-tu que je te pardonne ce que tu as fait tantôt? Tout comme il vous plaira, je dis, je n'ai rien à vous commander, ma bonne dame. Va t'en trouver Hortense et dis-lui que ton maître, à qui on t'a permis de parler, t'a donné ce billet pour elle, tu me rapporteras sa réponse. Tenez-vous en paix et dormez en repos, madame. Vous voyez le premier homme du monde pour donner une bourde, vous ne la donneriez pas mieux que moi, car je mens à faire plaisir, foi de garçon d'honneur. Vous avez pris le billet? Ah oui, bien promptement. Et vous l'avez porté à Hortense? Oui, mais un accès de prudence m'a pris. Et j'ai fait une réflexion. J'ai dit, par la mardi, c'est que cette princesse avec Hortense veut éprouver si je serai encore un coquin. Ah, eh bien, à quoi vous a conduit cette réflexion-là? Avez-vous dit à Hortense que le billet venait de la princesse et non pas de Monsieur Lélio? Tout juste, vous l'avez deviné. Et vous croyez qu'Hortense est de concert avec la princesse et qu'elle lui rendra compte de votre sincérité? Quoi donc? Elle ne l'a pas dit, mais plus fin que moi n'est pas bête. Qu'a-t-elle répondu? Oh, elle a voulu m'enjoler en me disant que j'étais un honnête garçon. Ensuite, elle a fait semblant de griffonner un billet pour Monsieur Lélio. Qu'elle vous a recommandé de lui rendre? Oh oui, mais il n'aura pas besoin de lunettes pour le lire. Mais qu'en faites-vous donc? Ah, je n'en sais rien. Mon cœur est dans l'embarras là-dessus. Il faut absolument le remettre à la princesse, Arlequin, n'y manquez pas. Son intention n'était pas que vous avouassiez que ce billet venait d'elle. Par bonheur, votre aveu n'a servi qu'à persuader Hortense qu'elle pouvait se fier à vous. Peut-être même ne vous aurait-elle pas remis un billet pour Lélio sans cela. Votre imprudence a réussi. Mais encore une fois, remettez le billet à la princesse. Elle ne vous pardonnera qu'à ce prix. Oh, votre foi? J'entends du bruit. C'est peut-être elle qui vient pour vous le demander. Adieu. Vous me direz ce qui en sera arrivé. Oh. Tantôt, on voulait m'emprisonner pour une fourberie. Et à cette heure, pour une fourberie, on me pardonne. Oh, quel galimatias que l'honneur de ce pays-ci. As-tu vu Hortense? Oh oui, madame. Je lui ai menti suivant votre ordonnance. A-t-elle fait réponse? Oh! Notre tromperie va à merveille. J'ai un billet doux pour Monsieur Lélio. Oh, juste ciel. Donne vite. Et retire-toi. Oh, le maudit tailleur qui m'a fait des poches percées. Vous verrez que la lettre aura passé par ce trou. Attendez, j'oubliais une poche. La voilà. Oh non. Oh, sans doute que je l'aurais laissé à l'office où je suis allé pour me désaltérer. Va la chercher, me la porte sur le champ. Je me rends à vos ordres, madame. On m'a dit que vous vouliez me parler. Vous jugez très bien que dans l'état où je suis, j'ai besoin de consolation, Hortense. Et vous êtes la seule à qui je peux ouvrir mon cœur. Hélas, madame, je n'ose vous assurer que vos chagrins sont les miens. Je vous ai confié mon secret comme à la seule amie que j'ai au monde. Lélio ne m'aime pas, vous le savez. On aurait de la peine à se l'imaginer. Et à votre place, je voudrais encore m'éclaircir. Il entre peut-être dans son cœur plus de timidité que d'indifférence. De la timidité, madame? Votre amitié pour moi vous fournit des motifs de consolation bien faibles.

Si vous voulez que je vive, fuyez après et laissez à mon amour le soin d'assurer mon bonheur et le vôtre. Oh, je ne sais où j'en suis. C'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est vous qui m'arrachez la mienne. Arrêtez un moment, madame. Je suis moins coupable que vous ne pensez. Oh, cher prince, qu'allez-vous devenir? C'est moi, c'est mon amour qui vous perd. Mon amour. Oh, mon sort sera-t-il de vous faire périr? Cherchons-lui partout du secours. Seigneur, je vous demande un moment d'entretien. J'ai ordre d'aller trouver la princesse, madame. Je ne sais, je n'ai qu'un mot à vous dire. Je vous apprends que vous allez remplir la place de Lelio. Je l'ignorais, mais si la princesse le veut, il faudra bien obéir. Oui, c'est Lelio. Il ne mérite plus votre haine. Il est à plaindre aujourd'hui. J'en suis fâché, mais son malheur ne me surprend point. Il devait même lui arriver plus tôt. Sa conduite était si hâte. Moins que vous ne croyez, seigneur. C'est un homme estimable, plein d'honneur. À l'égard de l'honneur, je n'y touche pas. J'attends toujours à la dernière extrémité pour décider contre les gens là-dessus. Vous ne le connaissez pas. Soyez persuadé qu'il n'avait nulle intention de vous nuire. J'aurais besoin pour cet article-là d'un peu plus de crédulité que je n'en ai, madame. Laissons donc cela, seigneur. Mais me croyez-vous sincère? Oui, madame, très sincère. C'est un titre que je ne pourrais vous disputer sans injustice. Tantôt, quand je vous ai demandé votre protection, vous m'avez donné des preuves de franchise qui ne souffrent pas un mot de réplique. Je vous regarde alors comme l'auteur d'une intrigue qui m'était fâcheuse. Mais achevons. La princesse a des desseins contre les lieux. Détournez-la de ses desseins. Obtenez d'elle que les lieux sortent dès à présent de ses états. Vous n'obligerez point à d'ingrat, je vous en garantis des récompenses au-dessus de ce que vous pourriez imaginer. Des récompenses, madame, quand j'aurai l'âme intéressée, que pourrais-je attendre de Lelio? Ses emplois, on accepterait l'embarras, s'il le faut, par dévouement aux intérêts de la princesse. C'est bien, l'acquisition en a été rapide et trop aisée à faire, et je rougirais de les mêler avec les miens. C'est à l'État à qui ils appartiennent, c'est à l'État de les reprendre. Oh, seigneur, que l'État s'en saisisse de ces biens dont vous parlez, si on les lui trouve. Si on les lui trouve, c'est fort bien dit, madame, car les aventuriers prennent leurs mesures. Il est vrai que lorsqu'on les tient, on peut les engager à révéler leurs secrets. Si vous saviez de qui vous parlez, vous changeriez bien de langage. Les avantages que vous trouveriez à le servir n'ont point de rapport à sa fortune présente. Je vous en donne ma parole. Croyez-moi, vous m'en remercierez. Madame, modérez l'intérêt que vous prenez à lui. La princesse a fait arrêter Lelio. Si avant que d'en arriver là, elle m'avait demandé mon avis, j'aurais cru, je vous jure, être obligé en conscience de lui conseiller de le faire. Cela posé, voyez quel est mon devoir en cette occasion-ci, madame. La conséquence est aisée à tirer. Très aisée, seigneur Frédéric. Vous avez raison. Dès que vous me renvoyez à votre conscience, tout est dit. Je sais quelle espèce de devoir cette délicatesse peut vous dicter. Sur ce pied-là, madame, loin de conseiller à la princesse de laisser échapper un homme aussi dangereux que Lelio et qui pourrait le devenir encore, vous approuverez que je lui montre la nécessité qu'il y a de m'en laisser disposer d'une manière qui sera douce pour Lelio et qui pourtant remédiera à tout. Oh, je suis curieuse, seigneur Frédéric, de savoir par quelle voie vous rendriez Lelio suspect. Voyons de grâce jusqu'où l'industrie de votre iniquité pourrait tromper la princesse sur un homme aussi ennemi du mal que vous l'êtes du bien. Car voilà son portrait, le vôtre! Vous vous emportez sans sujet, madame. Encore une fois, cachez vos chagrins sur le sort de cet inconnu, il vous ferait tort. Et je ne voudrais pas que la princesse en fût informée. Vous êtes du sang de nos souverains, Lelio travaillait à se rendre maître de l'État, son malheur vous consterne. Tout cela attirerait des réflexions qui pourraient vous embarrasser. Allez, Frédéric. Je ne vous demande plus rien. Vous êtes trop méchant pour être à craindre. Votre méchanceté vous met hors d'état de nuire à d'autres qu'à vous-même. À l'égard de Lelio, cette destinée non plus que la mienne ne relèvera jamais de la lâcheté de vos pareils. Madame, je crois que vous voudrez bien me dispenser d'en écouter davantage. Je puis me passer de vous entendre achever mon éloge. Voici monsieur l'ambassadeur, et vous me permettrez de le joindre. Il me fera raison de vos refus. Seigneur, daignez m'accorder une grâce. Je vous la demande. Avec la confiance que l'ambassadeur d'un roi si vanté me paraît mériter, la princesse s'est irritée contre Lelio. Elle a dessein de le mettre entre les mains du plus grand ennemi qu'il est ici, c'est Frédéric. Je réponds cependant de son innocence. Vous en dirai-je encore plus, seigneur. Lelio, mes chers, c'est un aveu que je donne au péril où il est. Le temps vous prouvera que j'ai pu le faire. Sauvez Lelio, seigneur. Engagez la princesse à vous le confier. Vous serez charmé de l'avoir servi quand vous le connaîtrez. Et le roi de Castille même vous sera gré du service que vous lui rendez. Dès que Lelio est désagréable à la princesse et qu'elle l'a jugée coupable,